trop combat, nous contre ghetto, passe à l'espo. Je viens dénoncer la mort de Maliko Sekin, à 22 piges, mes skills. Dans la street, l'équipe, ils jouent les kills. Ils pratiquent le matraquage comme Sky. La vie, c'est contre médiatique, mais lequel est le plus fort dans ça? Entre Asnawa et qui est l'effort du désordre. Quoi qu'il se passe, man, devant le progrès des hommes. Quête la corpulence des interrogatoires, l'humiliation, l'acharnement, la gratuité des actes. L'autorité est gênée par nos dégaines Kaira, ma paire de Nike. Et de voir Dawa au mic, on charbonne, gars. Pour s'acheter des CLS, j'ai pas dit fuck à la patronne, on fait recharger par des CRS. Trop de violence policière, allez le dire à l'IGS. N'ayez pas le seum au texte quand on vous sème en CRS. Apprendre dans la gestion quand c'est pas bon, on se fait la bise. Comme parfois c'est pas bon, y'a plus d'amis de si on se tire. Le trône du King on vise, et pour lui brise tous ceux qui tapent du cible et tous les fils de biche. À l'heure où les enfants sortent de l'école et de manière inexplicable, le policier a paniqué. Ferme ta gueule, pas les Macs ici, c'est pas vous les Macs les gars, donc vous foutez ça dans la tête, les Macs c'est nous. Ça fait deux fois qu'on se casse que vous serez montant et la seule réponse est sur la batterie. La violence policière, pour les faire, regarde comment ils nous servent, normal chez nous on n'aime pas les commissaires. Viens pour me dire ce que j'ai à dire ou ce que j'ai à faire, j'évite les contrôles, par peur de ce que je pourrais faire. Chacun sa guerre, donc chacun ses armes, mais laisse-moi rendre à mes frères et sœurs ce qui appartient à César. Ils sont marqués nos familles comme une césarienne, mais quand c'est pas la tienne, tu dis que niquer un cœur ça sert à rien. J'incite pas à la haine, même si ça n'a pas l'air, c'est pour mes frères et sœurs, mais en France qu'on traite d'envahisseurs. Moi j'en ai marre d'accepter tout leur accès de pouvoir, pense que la terre, tête à tête, juste pour voir. Prends mon rap comme une résistance, un cœur, ça cherche la merde, rien, c'est pour ça que je prends mes distances. On choisit pas sa vie et ça, c'est la vie que j'ai depuis que j'ai compris qu'il se mangeait la biche. J'ai choisi mes armes en fonction de ce que je fais, et je t'avoue que dans nos ghettos, pour rien, les keufs, on est la vie. Je respecte la rue autant qu'elle me respecte, à ceux qui traitent les keufs, et ceux qui niquent les temps respect. Reste comme les policiers qui tirent, qui assassinent légalement. Tout le monde est relâché. Bah franchement, je peux plus croire en cette justice. Mais qui s'inquiète de la sécurité de vous ou de la sécurité des bourgeois des avenues riches de Paris? Et une bonne émeute des banlieues généralisées, par exemple, ça pourrait faire passer au premier tour. Moi, je me prends. Moi, je m'attends. Moi, je vous dis banlieue. On va nous donner quoi? On n'est pas dans la rue ici. Les gens qui ont peur, on leur fait faire ce qu'on veut. Et comment fait-on peur aux gens? En instaurant un climat. Un climat de menace perpétuelle. Et il n'y a pas de s'enfoncer. Oh, la guette, il frappe.